sélectionner l'indépendance, choisir sa propre intégrité, choisir sa propre intégrité. Ça finit comme ça commence, la bouche ouverte, les yeux fermés. De l'inconscience à l'inconscience, à bord d'un grand rêve éveillé. À bord d'un grand rêve éveillé. Partout l'indécence ferait bien de s'interroger. Sont-ils nés d'une déchéance ou d'humains qui se sont aimés, ou d'humains qui se sont aimés? Tant pis pour ceux de la violence, à jamais sans sérénité. Prisonniers d'une incandescence, ils auront toujours tout gâché. Ils auront toujours tout gâché. Ça finit comme ça commence, la bouche ouverte, les yeux. De l'inconscience à l'inconscience, à bord d'un grand rêve éveillé. À bord d'un grand rêve éveillé. Un grand rêve éveillé. La bouche ouverte.